face de l'Orient. On y va, 17 ans, des bouillères, le journal. Pour finir sans lendemain, des bouillères, le journal. Elle a pris une grosse bouillette, elle t'en passe au super-pouille.

place to pave the way for another race. See the way to your destiny. Your best screen for set you free. Into the fight, into the fight that you don't fear. Into the fight, into the fight that is near. Coming close. You're not too late. We'll be right back. przeznaczenia. Chciałem być gęsem, który zatruje ten organizm. Chcę wyrwać się z łap beznadziejności, otrząsnąć się ze skorupy zniewolenia. Chcę stanąć po drugiej stronie rzeki. Chcę być dezerterem, który ma rire, beaucoup de sueur finir. Une balle dans le cerveau sous les roues du métro. Il suffit pas gratter pour voir toute la disotée. Le modèle c'est le millionnaire, le refus c'est la prière. Société déshumanisée, piquet tout est contrôlé. Tout va bien à ton baiser, on fera tout brûler. Mali, mali, mali, la révolution. Merde, merde, merde, merde aux institutions. Vive, vive, vive, vive la révolution. Merde, merde, merde, merde aux institutions. Des pensées critiques et tout ce qui ressemble à un poulet. Tout se retrouve emmerdé et peut-être incarcéré. Liberté d'expression passe par la case prison. Menace de répression quand on pose des questions. Mais que fait la justice, cette fille et le fils. Reste les syndiqués, mais ça doit pas la gêner. Pour 10 grammes de méchis, il faut prendre le magie. Même la vie du mérite, allez les adultes me suivent. Vive, vive, vive, vive, vive la révolution. Merde, merde, merde, merde aux institutions. Vive, vive, vive, vive la révolution. Merde, merde, merde, merde aux institutions. Cette merde profite, y'en a même tout de le faire. Attard. Il commence à Toulon, ce carton des gros cours. Ambiguïté démocratique, colère ceux qui vous conchit. La République protège la bête, tu lui couperas la tête. Le corps nous est causé, la blessure s'est affectée. La gangrène s'élargit, la petite monde grossit. Il faut prendre les devants, lutter tant qu'il en est temps. Il faut une lutte armée, un refil empaillé. Vive, vive, vive, vive la révolution. Merde, merde, merde, merde aux institutions. Vive, vive, vive, vive la révolution. Merde, merde, merde, merde aux institutions. Vive, vive, vive, vive la révolution. Vive la révolution. Merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, estar rodeado de seres tan perfectos. Vidrio perfecto, precisamente tanto de ellos, que te permiten el lujo de criticar al resto. No te digan, no hagan, está bien hecho por algo. Ellos nacieron perfectos, a ver, estoy más contento de estar rodeado de seres tan perfectos. A ver, estoy más contento de estar rodeado de seres tan perfectos. Si no hago como ellos, te hago lo que quiero, te trato como un necio. Cada vez estoy más contento de estar rodeado de seres tan perfectos. Por no pedirles consejo, por no tener mucho caso, por haber nacido un necio. Todos lo saben, no seréis perfectos, porque haces algo o dejas de hacerlo. Ya no hay que me hacéis, seréis tan perfectos. Cuando me ayudáis, estoy tan contento.